13 ans c'est trop court pour saisir la vie. Les adultes autour font bien trop de bruit. Toi tu les regardes et déjà déçu par ces chiens de garde qui te gardent à vue. 13 ans qui s'attriste à devenir grand. Petite gueule d'artiste sensible et mouvant. Tu vis au présent, demain tu t'en fous. Tu vas tout tremblant, mais vers quel rendez-vous? 13 ans qui cavale à contre-destin. 13 ans qui s'emballe, 13 ans lycéen. Pleine adolescence, le temps des copains. Amour de vacances et premier chagrin. 13 ans c'est pas lèche pour crier son cœur. Les mots que tu cherches leur feraient trop peur. Alors tu résistes, tu cries ton prénom. Tout seul sur la piste, tu te donnes à fond. 13 ans ça fait peur aux parents assis. 13 ans tout en fleurs, 13 ans tout en gris. L'été, l'hiver, le soleil, la pluie. L'endroit et l'envers, tu t'ouvres à la vie. 13 ans qui frissonne, petit vagabond. 13 ans qui s'étonne, 13 ans qui s'en vont. La vie tu la sers, et malgré tes peurs, tu as tout à faire, ne compte pas les heures. 13 ans laisse dire, s'ils parlent de toi. Tu as tout à dire, eux sont déjà froids. Les mots dans leur bouche s'enterrent avec eux. Tu les effarouches, ils sont déjà vieux. 13 ans que tu portes serré sur ton cœur. Tu frappes à la porte des rires et des pleurs. 13 ans qui voyagent à contre-courant. Ne perds pas courage, d'où viennent les vents. 13 ans tu sublimes les choses de la vie. Avec ou sans rime, tu es poésie. 13 ans en plein phare, ne te fie pas à nous. Avec ton histoire, tu as rendez-vous. 13 ans c'est si court pour saisir la vie. Les adultes autour font bien trop de bruit. 13 ans cavale, 13 ans serre les biens. 13 ans plein d'étoiles, 13 ans serre les tiens. 13 ans cavale, 13 ans serre les biens. 13 ans plein d'étoiles, 13 ans serre les tiens. 13 ans cavale, 13 ans serre les biens. 13 ans plein d'étoiles, 13 ans serre les tiens. 13 ans cavale, 13 ans serre les biens.